tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, on rediffuse L'espionnage sur écoute, une série d'Amaury Chardot réalisée par Julie Béressy. Au départ de cette série, il y a des fantasmes et des clichés. Des appareils photo miniatures, des identités troubles, des valises à double fond et des micros cachés. Parce que l'espion a toujours fait rêver et que 007 n'est pas immortel par hasard. Mais il y a aussi une réalité glacée et complexe. La guerre froide, le secret d'État, les conflits mondiaux, les enjeux politiques autant qu'économiques. Et tout au bout de ces tentacules, il y a des hommes et des femmes à l'identité cachée, au destin trouble et dont les motivations sont la part de mystère qui nous échappera toujours. Et auxquels on peut désormais donner les visages de malotrus ou de phénomènes. Alors pour commencer, les personnages. Des militants altermondialistes, des activistes écologistes échaudés, un policier d'une unité secrète, un ancien directeur de la DGSE et sa langue de bois, un journaliste sur le qui-vive et un infiltré repenti ou pas. Ensuite, le décor. Des gares entre la France et l'Angleterre, des parcs où l'on peut parler tranquillement, des cafés bruyants pour ne pas être épiés et dont on peut surveiller l'entrée, des bureaux cossus, le tout teinté d'une paranoïa généralisée sur fond de cœur brisé. On est en Angleterre et à force de couverture, on finit par se demander qui est qui. On peut décrire cette photo, Rob Evans ? Cette photo est très importante. On y voit Mark Kennedy en vacances avec sa petite amie en 2010, en Italie, dans le massif des Dolomites. À peine quelques semaines avant qu'il ne soit démasqué. À ce moment-là, lui et sa petite amie sont ensemble depuis 5 ou 6 ans. Mais elle commence à le suspecter d'être un policier infiltré. Pendant des semaines, elle doute. Ils partent donc en vacances, et finalement, elle découvre la vérité. Et en octobre 2010, avec l'aide d'amis, elle le confronte et il finit par avouer. Le grand public, pour la première fois, découvre qu'il existe depuis 40 ans une opération d'infiltration policière dont on ne savait rien. For 40 years of which they know nothing. Mark Kennedy was exposed in October 2010. Mark Kennedy a été démasqué en octobre 2010. C'est devenu une affaire nationale en janvier 2011. À partir de là, il y a eu un effet boule de neige à mesure que de nouveaux agents infiltrés étaient démasqués. La police de Londres a instruit 7 plaintes suite au comportement inacceptable de certains des policiers infiltrés travaillant pour l'ancien SPS et pour le NPOIU, unité d'infiltration active, jusqu'en 2011. Grâce au courage et à la ténacité de ces femmes, il a été établi que des officiers agissant sous couverture afin d'infiltrer des milieux protestataires avaient entretenu des relations intimes et sexuelles avec des femmes de manière abusive, déloyale, manipulatrice et incorrecte. Mark Kennedy, l'alter espion qui m'aimait. Amaury Chardot, Julie Béressy. Les milieux politiques anglais se doutaient bien qu'ils avaient été infiltrés à une époque. Mais avant Mark Kennedy, on n'avait jamais démasqué d'officiers infiltrés. Des indicateurs ou des espions économiques, mais jamais de policiers infiltrés. On ne savait rien, ni des techniques employées, ni de l'étendue du problème. None of that was known. Il est passé à Tarnac une fois, je dirais l'été suivant, mais sans en être tout à fait sûr. Un moment où il y avait une espèce de rencontre, où il y avait, je pense, au moins 300 ou 400 personnes qui étaient venues passer la semaine là-bas pour tout un tas de discussions, etc. Donc dans la masse des gens qui venaient de plein d'endroits, il était là, mais il nous a jamais donné le sentiment de particulièrement chercher à savoir, on ne sait pas trop quoi d'ailleurs. C'était plutôt quelqu'un de, pas d'effacé, mais il était là, il traînait comme plein d'autres gens traînent, pas antipathique. Il était très sympa, généreux, serviable, et puis très drôle. Il avait un vrai sens de l'humour, allié à une grande sensibilité intérieure. Physiquement, il avait les cheveux longs et de plus en plus de tatouages. L'un d'eux qui m'avait marqué avec le recul était situé à l'intérieur de son avant-bras. C'était comme si sa peau pelait et révélait des câbles en métal à l'intérieur. L'idée que sous la peau se trouvait une machine, quand on sait ce qu'il était vraiment, c'est assez significatif. On ne peut que spéculer, mais je suis sûr qu'un psychiatre pourrait passer le reste de sa carrière sur son cas. Sept années durant, de 2003 à 2010, un officier de la police britannique, Mark Kennedy, avait donc infiltré les milieux protestataires anglais. Enthousiaste, serviable, généreux des 250 000 livres de salaire et frais que lui octroyaient chaque année sans le savoir les contribuables de la couronne, ce grand type au corps tatoué avait patiemment fait son nid dans les milieux écolos. Sous le pseudo de Stone, Mark Stone, Kennedy avait gagné la confiance des militants et des militantes auprès de qui il jouait l'amoureux transi. Shocking, s'était indigné la presse de Londres lorsque l'affaire avait éclaté début 2011. Mais existe-t-il un code de conduite dans le monde du renseignement ? Au tournant des années 2000, les réseaux politiques de la gauche radicale s'internationalisant, son infiltration aussi avait sauté les frontières. Kennedy, alias Stone, visitant 11 pays, à moins que ce ne fût le double, manifestant en Islande contre un barrage, rejoignant des anarchistes d'Allemagne et d'Italie, et jouant même un rôle clé en France à travers l'affaire dite de Tarnac. La révélation de cette infiltration a depuis ouvert une crise sans précédent en Angleterre, à mesure que la liste des officiers infiltrés depuis 40 ans s'allonge. 150 à ce jour, dont 17 identifiés, révélés le plus souvent par des groupes de citoyens qui trouvent dans l'effondrement de ce gigantesque château de cartes une revanche jouissive, quoique amère. Même si au fond, là-bas, ça n'étonne vraiment personne, tant l'Angleterre est, chacun le sait, le royaume par excellence des espions. Londres. À deux pas de la gare de King's Cross se trouvent les locaux du Guardian, le grand quotidien britannique. Rob Evans y est journaliste depuis belle lurette. En 2013, il a co-signé avec Paul Lewis un impressionnant livre-enquête sur l'infiltration de son île par sa police. Quand il nous accueille, il s'amuse de notre intérêt pour le sujet et tandis qu'on s'installe, s'enquiert de quelques mots d'argot français. D'où vient le mot flic et pourquoi on les surnomme les poulets ? Il avait une bizarrerie à l'œil qui remontait à l'enfance. Un accident. Une agrafe était venue se loger dans son œil et depuis, ses deux yeux ne regardaient pas dans la même direction. Les gens pensent que les meilleurs infiltrés sont tous blonds, sans signe particulier. Or, lui avait quelque chose de louche. Sur pas mal de photos, on le voit porter des lunettes de soleil et c'était probablement à cause de ça. Mais qui sait ? D'où il vient ? Mark Kennedy est né à Orpington, une banlieue respectable du sud de Londres. Son père était lui aussi policier. Là, il mène une vie plutôt banale, puis il rejoint la police au milieu des années 90. Il fait d'abord partie des stupes au sein d'une unité d'infiltrés qui allait dans les pubs, acheter de la drogue afin de faire tomber les dealers. En 2003, il rejoint une unité très secrète dont personne n'avait entendu parler. La National Public Order Intelligence Unit. Cette unité, ainsi qu'une autre, le SDS, Special Demonstration Squad, montait des opérations secrètes. Ça avait commencé en 1968 et le public alors n'en savait rien. Certains policiers les surnommaient les opérations noires. Il s'agissait d'infiltrer pendant 5 ans des milieux d'activistes pour surveiller leurs activités, prétendre être des leurs et découvrir ce qu'ils projetaient, qui étaient les leaders, quels étaient leurs profils. Pour l'opération Pégase. On ne sait toujours pas très clairement ce qu'était cette opération, mais Mark Kennedy en faisait partie. On ne sait pas s'il était seul ou si cette opération était plus large. Mark Kennedy a passé 7 ans à espionner des activistes environnementaux. C'était son boulot. Et pour ça, il est d'abord envoyé à Nottingham. Pourquoi Nottingham ? On ne sait pas. Ils devaient penser que les gens de Nottingham étaient impliqués dans pas mal d'activités. Quand on le rejoint devant une librairie bien connue des activistes londoniens, Donald O'Driscoll parle si bas que j'ai du mal à le comprendre, à moins que ce ne soit dû à son fort accent nord-irlandais. Il est membre de l'Undercover Research Group, créé ces dernières années par des citoyens pour enquêter et débusquer les policiers infiltrés. Épaisse barbe grisonnante, casquette noire vissée sur les oreilles, il marche vite, s'engouffre dans une ruelle à la recherche d'un coin calme et discret. Plus tard, lorsqu'une équipe de policiers fera irruption sur place, instinctivement, il s'interrompra. Ouais, c'est des flics. You feel comfortable? That's okay, or? It's okay, yeah. Oui, ça va, ça va. Je fais attention. Là, ils semblent rechercher quelqu'un. Vous vous sentez surveillé? Je sais que j'ai été surveillé. J'ai repéré des équipes qui me suivaient. J'ai reconnu l'un d'eux, un flic que j'avais déjà vu. Vous savez, je suis activiste depuis 25 ans. Je les connais, les flics. Suffisamment pour savoir que je suis sous surveillance. Parfois, ils se cachent pas. Parfois, c'est une voiture garée devant ma maison. Bien, des choses étranges. Ils vous suivent dans la rue. Je les repère avec des techniques de contre-filature. Parfois, ils sont en uniforme, parfois pas. Mark Kennedy est en fait simplement un des maillons d'une très longue tradition d'infiltration des groupes politiques anglais. Depuis que la police existe, il y a toujours eu des infiltrés. Depuis le 19e siècle, il y a la Special Branch qui traquait les dissidents irlandais jusqu'au MI5 ou MI6 qui employait des espions. Le tournant intervient en 1968, pendant les protestations contre la guerre du Vietnam. L'ambassade américaine de Londres est envahie, ce qui a beaucoup embarrassé les autorités qui ont dit à la police « Voilà de l'argent, faites que ça n'arrive plus ». Go away, do something about it. And they set up what was known as the Special Demonstration Squad. D'où la création du SDS, Special Demonstration Squad, la première unité d'infiltration des mouvements protestataires qui n'a cessé pendant 40 ans d'étendre ses actions. Quand est-ce que vous l'avez fréquenté, Mark Kennedy, vous, Donald O'Driscoll? I met Mark Kennedy through environmental circles. J'ai rencontré Mark Kennedy à travers les cercles environnementaux. Le premier souvenir, c'est la manifestation du groupe Dissent en 2005 lors du contre-sommet du G8 à Stirling, en Écosse. À l'époque, les sommets européens, les sommets du G8 ou du G20 occasionnaient de très fortes mobilisations. Il y avait une grande mobilisation against it across the political spectrum. Tous les courants de la gauche étaient rassemblés. À Stirling, il y avait 8000 personnes. Et j'étais venu prêter main forte à l'organisation du camp. Et Mark Kennedy était le responsable de tout l'aspect transport. On m'a dit que j'allais travailler avec lui. Nous avions des amis en commun. Les années suivantes, j'allais davantage faire sa connaissance. La condition de base d'une bonne infiltration, c'est d'avoir une bonne légende, afin d'être tranquille. Les officiers passaient beaucoup de temps à élaborer leur légende. Le choix du nom d'emprunt, par exemple, est crucial. Si vous êtes infiltré, vous conservez toujours votre prénom, car c'est très difficile de réagir spontanément à l'appel d'un autre prénom que le vôtre. Quant à votre nom de famille, il doit être assez passe-partout, mais pas trop difficile non plus à mémoriser. En anglais, par exemple, John Smith, ça n'ira pas. C'est comme réserver une chambre d'hôtel sous le nom de Dupont. Ça paraît louche. Mais à l'inverse, ça ne doit pas être trop rare. Stone, c'était le nom parfait. Ces officiers passaient beaucoup de temps à travailler sur leur fausse identité. Kennedy aussi a passé du temps sur Facebook. Par exemple, sur l'école qu'il était censé avoir fréquentée. Vous savez, la vie est imprévisible. C'est toujours quand vous prétendez venir de telle ville que vous tombez sur quelqu'un qui y était vraiment et qui se met à vous interroger très précisément dessus. Vous devez connaître l'histoire de la ville, ses pubs, ses cafés, son patrimoine, ce genre de choses, pour pouvoir parer les questions. Et puis, la clé d'une fausse identité, c'est qu'elle ne sera pas trop éloignée de la véritable. Il ne nous a donné que son prénom, Merrick, nous laissant choisir un lieu près de la gare. Je ne sais pas à quoi il ressemble, et tandis que je l'attends à un carrefour et qu'il tarde, je finis par trouver suspecte toutes ces voitures de police qui croisent alentour. Finalement, il arrive, calme et grand, de longs cheveux au burn. Dans un parc, on trouve un banc, entouré de pierres tombales. Mais les morts ont plus de 2 siècles, alors... I first met Mark in 2003. J'ai rencontré Mark en 2003. Nous faisions tous les deux partie d'un réseau national d'activistes environnementaux. Je vivais à Leeds, plus au nord, tandis que Mark, lui, était à Nottingham, où je connaissais du monde via notre réseau. Très vite, il a commencé à avoir une relation avec une de mes amies, et je l'ai rencontré comme ça. Quel genre d'homme vous découvrez alors ? Il était assez différent des autres activistes, qui ont plutôt une éducation au-dessus de la moyenne. On le sentait un peu intimidé par ça. Mais il manifestait de bonnes intentions, y compris dans ses opinions politiques. Sinon, il était très sympa, très sociable. Ce genre de personne qui, au milieu de 40 autres, savait faire sentir sa présence. Progressivement, qu'est-ce qu'il vous raconte de sa vie passée ? Il ne parlait pas beaucoup de son passé. Il a raconté que son père avait été violent, qu'il avait un frère dont il était très proche et qui vivait aux États-Unis. Maintenant qu'on a démasqué 17 de ces officiers, on a compris qu'ils ont des techniques, qu'ils racontent tous la même chose de leur passé, notamment une enfance difficile. C'est censé leur éviter des questions indiscrètes. Ça leur permet aussi de vous faire croire qu'ils vous font confiance. Du coup, en retour, vous leur faites confiance. C'est comme un bouton sur lequel ils appuient. Ils vous manipulent. On sait maintenant que c'était faux, que ses parents sont toujours mariés et que son père n'est jamais parti comme il l'affirmait. C'était des mensonges. En dehors de ça, il avait un peu d'argent. Il disait qu'il travaillait comme technicien cordiste sur des gratte-ciels et qu'il gagnait bien sa vie. Mais il distillait des détails à ses petites amies, comme le fait qu'il aurait été autrefois dealer de drogue, gagnant beaucoup d'argent, que ça avait mal tourné et que son associé avait été tué. Mais il ne racontait pas ça tel quel à tout le monde. Ça aurait paru trop gros. Seulement un détail par-ci, par-là, à ceux qu'il connaissait le mieux. Ensuite, ces gens le confiaient à d'autres et petit à petit, l'histoire se diffusait. C'était très adroit. Mais l'État britannique a des siècles d'expérience sur comment lancer les infiltrés. Ils savent ce qu'ils font. Quelles sont les premières actions, Merrick, que vous conduisez avec Kennedy, aux côtés de Kennedy? C'était probablement le G8 de 2005 en Écosse. Mark s'occupait de toute la partie transport, les cars qui permettaient de convoyer les activistes, mais aussi les camions pour convoyer tout le matériel, les chapiteaux. Et s'occuper de logistique, ça permet d'être au cœur de la machine. Oui, et de la même manière, une technique était d'avoir un véhicule. Si vous avez une camionnette, sachant que les gens doivent rentrer dans l'événement, vous les mettez tous dans votre camionnette et vous écoutez les conversations. Vous les déposez, comme ça vous savez où ils vivent. Vous pouvez même choisir qui vous ramenez en dernier en fonction de celui que vous voulez cuisiner. Tous ces agents le faisaient. Est-ce que pendant toutes ces années, Merrick, vous constatez qu'il lui arrive de disparaître? Et pourquoi pas à ce moment-là de retourner à sa première vie? Il partait souvent, soi-disant pour son boulot de technicien cordiste. Des contrats tombaient à la dernière minute, très bien payés, et il devait s'en aller. Par exemple, sur des ports en Écosse, et il retournait alors voir sa femme et ses enfants. Avoir une famille était une des règles de son unité depuis que, dans les années 70, un officier avait basculé dans son milieu d'infiltration, refusant de revenir. Et donc, ils avaient instauré une règle, vous deviez avoir une famille, un point d'attache. Donc oui, il retournait voir sa femme et ses enfants en Irlande, mais même ça, il le faisait bien. Il envoyait des messages, il appelait souvent. On ne connaît pas grand-chose de sa véritable vie. Il s'était marié avec une femme, Adele. Ils avaient eu deux enfants, mais ils s'étaient séparés. Pourquoi? Je l'ignore. Mais pendant son infiltration, elle était venue vivre en Irlande avec leurs enfants. Elle ne s'est jamais exprimée en public là-dessus, donc on ne sait pas grand-chose d'elle. Mais j'ai toujours été intéressé par ses deux vies. Jusque-là, il menait une existence respectable, stable. Et puis soudain, avec ce boulot, c'était ouvert à lui des opportunités. Il pouvait explorer des territoires auxquels il n'avait pas accès dans sa vie conjugale. Il s'était passionné pour la musique heavy ou punk. Mais d'une manière générale, il menait comme infiltré une vie bien moins conventionnelle qu'en couple. Je pense que l'infiltration lui plaisait, il était libre. Parmi les groupes de punk que Mark Kennedy écoutait souvent, l'un d'eux porte un nom qui résonne étrangement aujourd'hui, les Dead Kennedys. On était à deux pas de Camden Town, on est donc allé faire un saut chez un disquaire spécialisé. All Ages Record, le seul disquaire indépendant punk de Londres. Et de quoi donc étaient coupables ces activistes écolos? Hein? Ils avaient fait quoi pour que la police de Londres leur cherche des problèmes? Hein? Je me le demande. C'est juste de la paranoïa, mec. C'est totalement paranoïaque. Je me souviens de l'interview d'une des femmes. Elle était très en colère contre un agent avec qui elle avait eu un enfant. Et le type était revenu plus tard en disant « Ah, au fait, je suis un officier infiltré, désolé. » Eh mec, t'aurais pas pu dire ça avant? Ou mettre une capote? Do you have anything by the dead Kennedy? Yeah, sorry, I'm about to put it up. Oui, bien sûr, je vais vous trouver ça. Il était charismatique. Il faisait des efforts pour connaître tout le monde, pour être sympa, pour aller aux fêtes, traîner avec les autres. C'était une figure du mouvement. On pouvait compter sur lui pour plein de choses. Pas tout, mais en général, il était partant. Il encourageait les gens à passer à l'acte. La première fois que j'avais entendu parler de lui, il avait escaladé un bâtiment. Il était très bon dans ce genre d'action risquée. Il s'était construit une réputation de mec fiable. Politiquement, il était hardcore. C'était souvent le cas avec ses infiltrés. Ridicule people for not being hardcore. Il se foutait de nous en nous disant qu'on était trop tempérés, pas assez radicaux. And encourage people to. Il encourageait les gens à faire des actions spectaculaires. No, I mean in meetings quite the opposite. I mean I don't remember him. Mais en réunion, en revanche, il prenait rarement la parole dans des débats. Decent practical points at all. Plus d'une fois, je m'étais même dit qu'il ne semblait pas bien comprendre ce qu'on racontait. Qu'est-ce que Mark Kennedy comprenait des luttes qu'il s'efforçait de saper ? Nul ne le sait avec exactitude. À une époque, même sa hiérarchie et son officier traitant auraient eu du mal à le suivre. Il s'était mis à beaucoup voyager sous des prétextes vagues. C'est au cours d'un de ses déplacements qu'il croise la route de ceux qu'on surnommera le groupe de Tarnac. Parmi eux, Mathieu Burnell. Mathieu Burnell, vous avez rencontré Mark Stone ? Oui. Oui, il y a quelques reprises. Je ne pourrais pas dire combien de fois, mais 3 ou 4 fois à peu près, je dirais. Ouais. Les fois où il a été en contact avec nous, c'était dans des contextes où c'était plutôt des discussions, on va dire, théoriques et politiques, et où donc, c'était peut-être pas le domaine dans lequel il excellait le plus. Et c'est pas qu'il était de nature effacé, mais c'est qu'il était peut-être dans des contextes où c'était plus difficile pour lui de trouver une place. En quoi est-ce que son infiltration à lui, toutes ces années-là, nourrit l'enquête qui débouchera sur vos inculpations à vous ? Ça joue un rôle assez conséquent. En janvier 2008, Julien Coupa et Lune Lévy veulent partir un mois en vacances ensemble aux États-Unis. Et à un moment donné, ils se retrouvent, ils sont à New York, et à New York, ils vont à une discussion à un moment donné avec, en l'occurrence, des camarades et amis, 4-5 personnes qui discutent entre elles. Et une des personnes qui est là à discuter est notamment Mark Kennedy. Et donc, on comprendra après coup qu'il n'était pas là-bas par hasard. Et Mark Kennedy envoie certainement un rapport où c'est supérieur, on ne sait pas trop, aux policiers français en disant « Ah, regardez, ces gens-là sont à New York, etc. Et » et donc, quelque part, les informations de Mark Kennedy sur nos participations aux organisations contre-sommet, notre présence à l'autre bout du monde pour faire un voyage de tourisme, ces informations-là qui, en soi, sont, on pourrait dire, relativement insignifiantes, ou en tout cas, en rien délictuel ou criminel, passées par la moulinette des services, ça devient, en France, la constitution d'un réseau pré-terroriste international, pour reprendre les termes consacrés à l'époque par les agents de la DCRI. Et voilà. Et donc, c'est à partir des infos de Mark Stone, c'est peut-être pas à cause, mais c'est à partir de ces informations-là que une enquête préliminaire est ouverte contre nous. Et donc la police française commence officiellement, en tout cas, à enquêter sur nous. Bonsoir et France bienvenue 2, à tous. 11 novembre 2008. Pas traîné après les actes de sabotage concertés contre la SNCF le week-end dernier. 20 personnes ont été arrêtées ce matin. 10 sont toujours en garde à vue. Elles sont toutes issues, je vous le disais, des milieux d'ultra-gauche. Audrey Goutard, Mathias Barrois. Le chef du commando a été arrêté avec ses principaux lieutenants dans ce petit village de Corrèze où le groupe avait établi son QG. Au même moment, à Paris, étaient interpellés sa compagne et ses parents. En tout, 7 hommes et 3 femmes âgées d'une trentaine d'années. Une opération éclair, car les policiers connaissaient bien leur cible. L'opération de ce jour a été rendue possible par le travail de renseignement qui a été effectué à ma demande depuis plusieurs mois par la direction centrale du renseignement intérieur. Le groupe croyait opérer dans l'ombre. En fait, les enquêteurs étaient à ses trousses depuis le mois de mai, et puis en ses déplacements. Il semblerait, Méric, que Mark Kennedy croise la route de ceux qu'on appellera le groupe de Tarnac. Oui, nous avons récupéré un document, un extrait de ses notes personnelles, où il mentionne l'ordre qui lui est donné de surveiller Julien Coupa et d'autres membres de Tarnac. Vous en avez une copie de ce document ? Oui. Bon, techniquement, ça constitue peut-être une violation de la loi sur le renseignement. Mais j'assume. Et puis ce texte est sur plusieurs sites internet, alors. Ah, voilà, c'est ça. Le mercredi 4 juin 2008, j'ai reçu l'instruction de contacter Sandra Goebbels, Harry Halpin, Julien et Gabi. Et donc Julien, c'est Julien Coupard. Oui. Donc c'est la preuve qu'il a effectivement infiltré, à la demande d'on ne sait pas qui, le groupe de Tarnac. Oui, mais on sait que l'unité pour laquelle il travaillait, le NPOIU, louait ses espions à l'étranger. Il y avait une collaboration des agents infiltrés de l'Union européenne et de quelques autres pays comme Israël ou la Nouvelle-Zélande. Ils se rencontraient régulièrement et échangeaient des infos. Les Anglais et les Allemands menaient la danse. Comme Mark était actif dans plein de pays, il était embauché un peu partout. Ça lui a permis de tenir longtemps. Bernard Squarcini, patron de la DCRI entre 2008 et 2012. Mark Kennedy lui-même dit « Je ne serais jamais allé à l'étranger sans l'accord de mes supérieurs et des services de police locale. » Non. Faux. Supérieur, oui. Après, les services ne vous racontent pas leur vie. Est-ce qu'il n'y a pas eu, à un moment, au sein des services de renseignement européens, pas simplement anglais, mais aussi français, l'idée que l'ultra-gauche était devenue une menace imminente et qu'il y avait un risque de terrorisme idéologique, je crois que c'était l'expression que vous aviez employée alors? C'est pas un risque, je dirais comme ça, de façon permanente, idéologique ou non. On était sur des événements internationaux qui étaient soutenus logistiquement par plusieurs pays de façon tournante, et à chaque fois venaient se coaguler des éléments, bon, c'était pas énorme, mais des éléments qui venaient perturber. À chaque fois, on retrouvait les mêmes. Donc c'était un sujet de préoccupation et de coopération, suivant l'endroit où se déroulait l'événement, pour que les échanges de renseignements se fassent en termes de prévision ordre public, tout bêtement. Combien de forces vous devez prévoir, où vous devez les mettre, c'est la partie tactique qui devait servir la sécurité publique qui avait à traiter le dossier. S'agissant de gens qui venaient de l'étranger, vous êtes obligé de demander à vos homologues. Vous ne pouvez pas le deviner au doigt mouillé. Là oui, il y avait un suivi. Si les militants britanniques ont réussi à mettre la main sur ces notes confidentielles prouvant l'implication de Mark Kennedy dans la surveillance du groupe de Tarnac, c'est qu'à un certain moment, les choses avaient mal tourné pour notre espion. Printemps 2009, une action se prépare. Merrick, vous avez participé, vous, à l'action menée au printemps 2009 contre une centrale thermique près de Nottingham? Yeah, well, we'd had three... Oui, nous avions eu trois climate camps successifs entre 2006 et 2008. Mark était très impliqué dedans. Puis il y a eu le projet de faire fermer une centrale au charbon près de Nottingham, à Radcliffe. Nous voulions fermer cette centrale pour une semaine, en y déroulant au sommet d'une cheminée une banderole qui indiquerait le taux de carbone que notre action épargnait. C'était une centrale à charbon, donc si nous la stoppions, une centrale à gaz allait compenser la perte. Enfin, le gaz, ça n'est pas aussi nocif que le charbon. Et donc, ça montrerait la différence pour le climat, mais aussi concrètement le nombre de vies épargnées. Nous étions 114 personnes rassemblées pour cette action. Le plan était parfait. Mark, qui était là presque depuis le début, était le chauffeur de l'opération. Et les gens se retrouvent dans une école, je crois, un truc comme ça, pour passer la nuit, et le lendemain, il doit y avoir l'action, mais l'action n'est pas encore tout à fait décidée, etc. Et sur les informations de Mark Kennedy, la police débarque à l'endroit où tous ces militants écologistes dorment, et les arrête tous, et les poursuivent. Et le choc est d'autant plus grand quand les gens apprennent, bien après coup, quand Mark Kennedy est là, que c'est grâce à Mark Kennedy qu'ils ont été arrêtés. Mark Kennedy, qui lui, était un des instigateurs de l'action, et qui, donc, évidemment, a dit aux flics en direct, c'est bon, arrêtez-les, et c'est c'est lui qui, dans le fond, a justifié la possibilité de l'action de malfaiteurs, parce que l'action n'avait pas encore eu lieu. Which is, as far as we know, the largest preemptive. Ça a été la plus grande arrestation préventive de l'histoire britannique. 114 personnes interpellées, y compris Mark, arrêtées sous sa fausse identité. À la fin, seules 26 personnes ont été inculpées. Il est difficile de savoir pourquoi certains ont été poursuivis et pas d'autres, malgré des éléments les impliquant. Lui n'a pas été inculpé, même si clairement son rôle était central. Tout le monde se fait arrêter, tout le monde est poursuivi. Lui, il se retrouve à être embarqué avec tout le monde. Et sans que personne ne comprenne trop pourquoi, lui, par contre, il n'est pas poursuivi. Quoi. Enfin, les flics le relâchent, quoi. Évidemment, parce qu'il est avec ses collègues. Et au final, ne sont condamnés que les gens qui avaient assumé le fait qu'ils allaient bien commettre ce blocage. Les autres, finalement, la justice se dit que c'est un petit peu trop gros, donc les laisse tranquilles. Mais ensuite, quand il est su publiquement que Mark Kennedy était un policier infiltré, et ben, d'un seul coup, les avocats disent « Ah, bah, attendez, non, mais il y a des éléments de procédure qui ont été cachés à la défense, on veut avoir accès à ces éléments de procédure. » Et là, d'un seul coup, on découvre que le procureur qui instruisait cette affaire-là était tout à fait au courant et que donc il avait dissimulé au juge tous les éléments qui faisaient que, parce que les éléments étaient évidemment un peu compliqués, étant donné que ça démontrait que c'était Mark Kennedy qui avait, entre autres, incité à commettre le truc. Et donc, d'un seul coup, il y avait un problème juridique. Est-ce qu'on peut être accusé d'avoir voulu commettre un blocage alors que c'est les services secrets qui ont organisé ce blocage et qui vous ont incité à y participer? À quel moment est-ce que les choses commencent à se compliquer pour lui, Rob Evans? Le problème avec l'infiltration, c'est qu'à la longue, ça crée une confusion mentale en vous, d'être ainsi partagé entre deux vies. Et puis, il y a la crainte, pendant des années, d'être découvert. Le problème avec Mark Kennedy, c'est qu'il l'a fait très longtemps, jusqu'en 2009. Quand il a été arrêté lors de l'incident de la centrale thermique. La police a alors décidé de mettre un terme à son opération. Sachant ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce qu'on avait des doutes? Ce qui était bizarre, c'est qu'il y avait des blagues concernant ces officiers, et sur Mark aussi. La première fois que je l'ai vu, j'avais surnommé Inspecteur Mark. Ça avait fait marrer les autres. Ce type, il sort de nulle part, on ne sait rien de lui. Il gagne trop d'argent, il se barre souvent bosser ailleurs. Ça ne pouvait être qu'un flic. Quelque part dans votre esprit, c'est clair. Mais la manipulation est si forte, vous avez passé tellement de temps avec lui que votre inconscient refuse d'y croire. Nous avions été si proches pendant 6 ans. Fin 2009, nous avions organisé nos 40 ans, lui, moi et d'autres. Nous avions organisé un mini-festival, plusieurs centaines de personnes pendant tout un week-end. On avait monté un groupe pour l'occasion, on avait fait des répètes en studio, on était 9 ou 10 sur scène. Il y avait 9 ou 10 de nous qui turned 40 that year, and so we had a joint party. Lors du concert, il avait joué Folsom Prison Blues de Johnny Cash. Il avait dédié la chanson à ceux qui n'étaient pas là, sous-entendu aux prisonniers. Une vraie attitude de glandeur. Ça ne pouvait pas être un flic. Lui raconte que c'est d'ailleurs le soir de ce concert-là, juste avant de monter sur scène, qu'il reçoit un texto de la police lui disant « La mission s'arrête, prépare-toi à disparaître ». Peut-être. C'est vrai qu'il était bizarre le lendemain. Mais il avait souvent des variations d'humeur. Mais ça peut être aussi une histoire qu'il raconte pour rendre les choses plus dramatiques. C'était ce que les journalistes voulaient entendre. Qui connaît la vérité? Lui-même est incapable de démêler le vrai du faux dans les interviews qu'il a données. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. That was the end of 2009. He was really. À la fin de 2009, il était très instable, parano. We now know it seems to be a pattern. Nous savons maintenant que c'était une technique de ces agents infiltrés. fin d'une dépression pendant 2 ou 3 mois, partaient, soi-disant pour se remettre les idées en place, puis les revenaient. Tout ça pour justifier un départ définitif sans qu'on les soupçonne. Que les apparences soient sauves afin que la police puisse infiltrer quelqu'un d'autre par la suite. C'est une stratégie vraiment tordue. Mark s'est comporté de cette manière. Pendant ce temps, nous qui le connaissions depuis des années, ça nous inquiétait beaucoup de le voir plonger dans cette détresse. Pendant quelques mois, Mark Kennedy, alias Stone, disparaît, s'éloignant de ses camarades. Il reste néanmoins en contact avec sa petite amie, avec qui il se rend l'été 2010, en vacances en Italie. Un jour qu'il est parti faire un tour à vélo, celle-ci, à la recherche de ses lunettes de soleil, tombe sur un passeport dans la boîte à gants. C'est celui de Mark. Elle l'ouvre, sauf que le nom de famille ne colle pas. Lisa found the passport in the summer of 2010. Lisa a trouvé le passeport. When she got back, I was talking to her on the phone. Elle m'avait appelé en me disant quelque chose cloche avec Mark. Elle avait évoqué une carte de flic. Après toutes les blagues qu'on faisait sur lui, ça devenait étrange. Alors j'ai creusé. Je me suis débrouillé pour trouver des certificats de naissance et on a regardé. Mark Stone n'existait pas. Ça ne collait pas. En revanche, il existait un Mark Kennedy né le même jour. Rapidement, on a découvert qu'il avait une femme et des enfants. Ça mène à la confrontation que vous organisez alors, quelques jours plus tard, et au terme de laquelle il finira par tout avouer. Oui, on a cherché, on a trouvé le certificat de naissance de son fils qu'il avait fait établir en indiquant policier dans la case profession. Ça devenait clair qu'il était flic, mais on voulait être sûr. On lui trouvait des excuses. Peut-être avait-il été flic et il ne l'était plus. Ou bien qu'il avait marqué policier faute de pouvoir écrire trafiquant de drogue comme une blague. Mais sur son certificat de mariage aussi, il était indiqué la même chose. Ainsi que sur l'acte de naissance de sa fille. Donc Lisa l'a appelé pour lui demander de venir s'expliquer. Comment ça se passe ce soir-là ? Il était en Irlande avec sa femme et ses enfants. Il nous a dit, j'atterrai à 1h du mat, je serai là à 2. Pourtant, aucun vol en provenance d'Irlande n'atterrissait à cet horaire. Il avait dû arriver plus tôt pour un brief avec ses supérieurs sur ce qui allait se passer. On a tâché de faire ça bien, de façon humaine. On avait disposé des chaises en cercle pour éviter l'effet tribunal, confrontation. La pièce était chaleureuse. Personne n'a élevé la voix, personne ne l'a interrompu. Il a tout de suite reconnu avoir une femme et des enfants. Mais après ça, il a continué à nous baratiner sur son prétendu passé violent. On leur a dit, écoute, il y a des trucs qui ne collent pas. C'est ta dernière chance. Recommence. Mais là encore, il avait menti. L'un de nous lui a alors lancé, depuis quand t'es flic ? J'ai reçu un coup de fil le lendemain. Au début, il y avait beaucoup de confusion et de colère. Certains ne croyaient pas que c'était un infiltré. J'ai passé pas mal de temps à discuter avec ceux qui étaient très proches de Kennedy et qui avaient peur que leur nom sorte dans les médias, notamment sa compagne ou ses anciennes petites amies. Parce que, du coup, la nouvelle s'est répandue par Internet. En quelques heures, tout le monde était au courant. C'est sorti dans un article sur Indie Media. Un article avec quelques détails et une photo de lui. Toute cette période-là, personne ne sait si Mark Kennedy est un policier encore infiltré et que il fait son travail, ou si Mark Kennedy était un policier infiltré qui finalement n'est plus policier, mais qui vient, on l'a pas dit à ses nouveaux amis parce que il craint légèrement leur réaction, ce qui est entendable. Et donc personne n'arrive à déduire de ce qu'il dit, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Et après coup, on comprendra que il disait pas tant des conneries que ça, parce qu'effectivement, sa mission était finie pour le service de police pour lequel il travaillait. Depuis un peu plus d'un an, je crois, depuis, voilà, il avait été débranché en septembre 2009. Voilà, c'est ça. Et donc là-dessus, il mentait pas. Après, il s'avère qu'il avait ouvert en parallèle une entreprise privée de sécurité. Et donc, dans le fond, on saura jamais. Enfin, en gros, est-ce que Mark Kennedy était plus Mark Stone à la fin que Mark Kennedy? On peut pas le savoir. Il était certainement une espèce de drôle de chimère de ces deux personnages-là. Au début, il a surtout joué la carte de « Ah, je suis vraiment désolé, mais vraiment, je vous aime bien ». Et puis, parce qu'en Angleterre, faut quand même imaginer les mœurs anglaises, le fait qu'il soit su dans les journaux que des policiers infiltré couche avec de jolies anglaises pour surveiller des manifestations, c'est relativement inacceptable. Et donc il a été vraiment traîné dans la boue dans la presse. Et donc ensuite, à un moment, il a un peu changé son fusil d'épaule en disant qu'il continuait à être du côté de la police. Et après, bon, après il a raconté à peu près tout et n'importe quoi. Les flics l'ont passablement lâché et participé au lynchage en disant que tout était de sa faute et c'était à lui de se dépatouiller avec ça. Et donc là, souvent, ça l'a amené en gros à se poser dans la situation de victime. This is BBC Radio 5 Live. 15 juin 2011, Mark Kennedy au micro de Victoria Derbyshire. I was lying because it's what my job entailed. Je mentais parce que ça faisait partie de mon boulot. Je le regrette aujourd'hui. Je n'aime pas l'idée de l'avoir fait. Pourquoi ne pas être parti plus tôt? Vous êtes resté 7 ans. J'étais en couple avec une personne incroyable qui était membre du mouvement et qui comptait beaucoup pour moi. Nous avions partagé plein de choses ensemble. Je me sentais piégé. Je ne savais pas comment m'extraire de cette situation sans la blesser. Elle et tous ceux avec qui j'étais en relation. On parle beaucoup de Mark, mais les femmes sont les vraies héroïnes de cette histoire. Elles ont eu le courage et la force de surmonter cette situation et de la dénoncer. Everything about that man was fake. Tout de cet homme était bidon. And he's designed to be the partner you want. Il avait été façonné pour être le partenaire rêvé. All the phone calls. They're reading all your texts. Ces femmes avaient vu leurs conversations intimes écoutées, leurs textos lus par la police. Il n'était entré dans leur vie que parce qu'il était payé pour ça, pour les miner, les trahir. Ces femmes sont vraiment admirables. Elles ont réalisé qu'elles n'étaient pas les seules victimes et elles ont dénoncé ce sexisme institutionnel de la part de l'État. Kate? Hello. Can you hear me? Yes, I can. Right. Parmi les femmes avec qui Mark Stone restera longtemps, sa première compagne s'appelle Kate. Elle vit désormais à l'étranger. J'ai rencontré Mark en 2003 dans une réunion publique pour préparer le contre-sommet du G8, qui se tiendrait 2 ans plus tard en Écosse. On s'est rencontrés, on est tombés amoureux et on a vécu ensemble pendant 2 ans. Après ça, on s'est séparés, mais on est restés très proches jusqu'en 2010. Là, des amis m'ont appelé pour m'informer qu'en fait, c'était un flic. Et que Mark Stone, l'homme que j'avais connu, n'avait en réalité jamais existé. Ma relation avec Mark n'était pas un incident isolé. Je connais au moins 13 autres cas d'infiltration où des policiers ont eu des relations longues avec des femmes, lesquelles croyaient à ces relations. C'est un procédé systématique. C'est du sexisme institutionnel utilisé par la police pour infiltrer les mouvements sociaux. Je connais donc 13 femmes dans mon cas, mais nous ne connaissons que 10% des policiers infiltrés qui agissaient comme ça. Il faut faire la multiplication pour obtenir le nombre probable de relations ainsi entretenues par des policiers, au Royaume-Uni, mais aussi en Allemagne, voire dans d'autres pays d'Europe. À l'heure actuelle, qu'est-ce que vous avez obtenu comme réponse de la part de la justice ? En novembre 2015, la police a présenté des excuses à 7 des femmes concernées, admettant qu'il s'agissait d'une atteinte aux droits humains. Mais les autres femmes, elles, n'ont eu aucune réponse et sont toujours confrontées à des procédures extrêmement pénibles. Dans certains cas, on leur a proposé de l'argent à défaut de réponse. À l'heure actuelle, combien d'officiers ont été démasqués ? Jusqu'à présent, nous et les autres activistes avons établi une liste de 17 policiers ayant agi sous couverture. Et nous avons de fortes suspicions sur d'autres. La plupart des enquêtes lancées se concentrent sur un point précis et sur sa dissimulation. Alors qu'on parle ici de 50 ans de surveillance, de 150 policiers infiltrés, de 10 000 citoyens espionnés, de centaines de mouvements minés, l'erreur judiciaire est immense. 49 condamnations ont été cassées rien qu'à cause de Kennedy. Si vous multipliez ce chiffre par le nombre de policiers infiltrés pour le même boulot, on parle peut-être de 6 ou 8 000 condamnations arbitraires. Et ça devient la plus grande affaire de corruption du système judiciaire anglais. Officiellement, les infiltrations dans les milieux politiques de la police britannique continuent, en tout cas. Oui. Oui, ils ont changé le système, l'unité. Mais il n'y a eu aucune déclaration comme quoi les surveillances politiques auraient cessé. Cette histoire de Mark Kennedy et Mathieu Burnell, ça permet à l'Europe de comprendre que, pendant des années, ces services de renseignement ont collaboré vraiment aux frontières de la légalité. Et je crois que c'est en Allemagne que les questions les plus précises sont posées. Oui, alors en fait, il y a un député allemand qui met un peu le nez là-dedans, parce que donc Mark Kennedy, il est établi par les Anglais que Mark Kennedy a opéré en Allemagne. Et donc le député demande à ce qu'un certain nombre de points soient soulevés, à savoir, est-ce qu'il était en Allemagne pour le compte de l'Angleterre? Est-ce qu'il était en Allemagne pour le compte de l'Allemagne? Enfin, qu'est-ce qu'il en est de cette espèce de police secrète qui opère sur le territoire et dont personne ne sait rien? Et évidemment, où il n'y a aucun contrôle démocratique sur ce qu'ils font, blablabli. Et là, les Allemands répondent un peu, notamment le chef des services secrets allemands, qui au Parlement a donc une phrase vraiment magnifique, où il dit, voilà, écoutez, face à des gens qui s'organisent de manière internationale et conspirative, nous devons nous aussi nous organiser de manière internationale et conspirative. Et ce qui est en soi, ce qui n'est pas aberrant en termes de logique, mais ce qui, du point de vue de l'état de droit, est quand même un truc un peu drôle. Et donc, on a appris finalement que c'était l'Allemagne qui l'avait employé pour aller faire telle mission, à tel moment chez les antifascistes, à tel moment pour la région qui l'employait. Voilà, tiens, va surveiller pour Rostock, va nous dire. The police. La police justifiait ces opérations longues et intrusives par le seul fait que les gens visés avaient de fortes chances de commettre des crimes sérieux. Mais en réalité, souvent, ils infiltraient des groupes qui ne commettaient aucun crime, ou bien des crimes d'une gravité très faible. Même Kennedy a produit très peu d'informations démontrant que les complots qu'il aurait déjoués étaient violents. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? On sait où il est ? Ce qu'il devient ? Eh bien, il a sans doute traversé une période difficile dans sa tête. Il est allé vivre un moment à l'étranger, mais il est revenu depuis. Je crois qu'il est en Grande-Bretagne, mais il se fait discret depuis 2011. Close the door, put out the light. No, they won't be home tonight. The snow falls hard, and don't you know? The winds of Thor are blowing cold. Wearing steel that's bright and true. Avec Rob Evans, journaliste au Guardian, auteur avec Paul Lewis du livre Undercover, Merrick, ancien compagnon de route de Mark Stone, Donald O'Driscoll, membre de l'Undercover Research Group, Kate Wilson, ancienne compagne de Stone, Mathieu Burnell, membre du groupe dit de Tarnac, et Bernard Squarcini, ancien patron de la DCRI. Avec les voix de Phil Bouvard, Félicien Jutner, Olivier Augron et Jérôme Sandelard. Merci à la BBC et à Victoria Derbyshire pour l'archive de Mark Kennedy, tirée de l'émission Speaking to the BBCs, diffusée en 2011 sur la radio BBC 5 Live. Merci également à Olivier Minot et Alain Lefkowitz. Prise de son Fabien Gosset, mixage Alain Joubert, un documentaire d'Amaury Chardot et Julie Bérécy. Espionne et mis sur écoute, grandes oreilles ou simple pion, LSD, la série documentaire, c'est tout pour cette semaine. Et pour connaître toute la vérité, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour la planque ou nous réécouter pour la prochaine mission, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Twitter, LSD série doc. Et la semaine prochaine, eh bien, la semaine prochaine, on verra comment la sexualité peut aussi être un terrain de recherche scientifique. Et ça tombe bien, car le forum de France Culture, qui se tient ce samedi à la Sorbonne, gratuit et ouvert à tous sur réservation, explore les liens entre le sexe et le pouvoir. Mais dans un instant, c'est le journal de 18h.